Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. L'île sur laquelle nous allons aborder recevra la médaille de la résistance française à la fin du mois d'août 1946, lors de la visite du général de Gaulle. Croix de la Libération, Croix de guerre 1939-1945, médaille de la résistance, symbole de la Bretagne tout entière, qui allait donc être faite compagnon de la Libération pour s'être refusé à abandonner le champ de bataille qui était le sien, la mer. Pour l'heure, nous n'étions que le 1er juillet 1945. Voici un reportage signé Lise Elina pour le Poste Parisien. Au large de la baie de Douarnenez, il est une petite île que l'on appelle l'île de Sein. Nous venons de mettre pied sur une terre basse, peuplée de 1200 habitants. Il y a un arbre, un puits, deux menhirs et un dolmen. Il n'y a ni gaz, ni électricité, ni eau courante. Les habitants y vivaient cependant heureux, tranquilles, peu soucieux de ce qui se passait dans les villes et dans les villages, se nourrissant de poissons, se désaltérant à l'eau du puits. Leur horizon se bornait à la mer, qui va méchamment heurter la pointe du rat, signalée par le phare d'Armen, le Beg Arra, comme on dit en breton, sorte de promontoire granité, extrême pointe de la presqu'île, la fin de la terre, de la presqu'île enserrée par la baie de Douarnenez et la baie d'Audierne aux blanches maisonnettes, sorte de plateau de rochers cristallisés, percés de gouffres tels que l'enfer de Plogoff, et longé au nord par la baie des Trépassés. C'est un paysage grandiose et sinistre. Un proverbe breton dit que nul n'a passé le rat sans peur et sans mal. Cependant, malgré la tristesse et l'étrangeté du site, le peuple de l'île de Sein vivait des jours calmes. Profondément attachés à leur petite patrie, les hommes et les femmes de l'île refusèrent toujours de la quitter. Le 18 juin 1940, tous les habitants se réunirent autour de l'unique hôtel de l'île qui possédait un poste de TSF à accumulateur. Et ils entendirent l'appel du général de Gaulle. Alors, dans la nuit, silencieusement, des hommes quittèrent l'île dans des barques ou dans d'autres bateaux, et le lendemain, il n'y avait plus un seul homme entre 18 et 50 ans à l'île de Sein. Et cela dura 5 ans. 5 années de peine, de lutte, de tristesse. L'allemand vint, la faim aussi. Le poisson devint rare, seul, des vieillards ou des enfants pêchaient désormais. Les femmes firent alors de petits jardins où elles essayèrent de planter de pauvres choux. Et comme il n'y a aucune végétation d'aucune sorte, elle séparait les jardinets au moyen de petits murs de galets qui sont du reste encore là. Ces jardins de quelques mètres qui entourent les maisons ressemblent un peu à ces jardins de sable que construisent les enfants sur les plages et qu'ils bordent de cailloux. Aujourd'hui, la population tout entière s'est massée sur les rivages de l'île. La BBC, qui vient de réaliser un certain nombre de radioreportages en France, en langue anglaise, reportages sur la vie française qui sont passés pour commémorer le 14 juillet français en Grande-Bretagne sur toutes les ondes anglaises, se rendait en notre compagnie à l'île de Sein. Et quand les habitants nous ont vus arriver, quand ils ont vu au loin le bateau qui nous transportait, ils se sont tous mis à nous acclamer, à chanter, si joyeux de cette visite, eux que l'on va si rarement visiter. Nous avons les femmes portent la coiffe noire. De loin, on croirait assister à une fantastique assemblée de veuves. Les hommes sont revenus, pour la plupart. Ils ont repris la pêche, mais c'est dur. Avant de partir de l'autre côté de la Manche, rien d'autre ne les tentait que leur terre, leur île, leur famille qui les attendait et leurs vieilles traditions. Nous allons du reste interroger quelques-uns de ces pêcheurs qui se trouvent à nos côtés en ce moment. Voici Monsieur Marzin, qui est maire de l'île de Saint, et à qui nous allons demander comment avez-vous été averti que les Allemands allaient arriver, Monsieur le maire. Eh bien, c'était un bateau qui était parti à Audierne pour chercher des provisions. Et à ce moment-là, ils avaient su que les hommes ont ramassé les jeunes gens de 18, les jeunes gens et les hommes de 10 à 50 ans. Alors quand ils ont fait retour à l'île de Saint, les gens se sont émeutés, et c'est à ce moment-là qu'ils ont armé en Angleterre. Combien étaient-ils lorsqu'ils sont partis? À ce moment-là, il y en avait un d'autres qui sont partis encore après. Et finalement, il n'en est pas resté. Il n'est pas resté... D'hommes ici. Ah si, c'est les vieux. Oui, c'est ça, mais tous les hommes entre 18 et 50 ans sont partis. Oui, la généralité, oui. Eh bien, nous avons aussi quelques-uns de ces hommes qui sont partis et qui sont revenus, et à qui nous allons demander par quels moyens ils sont partis. Comment vous appelez-vous? Spinek François. Bon, comment êtes-vous parti pour l'Angleterre? J'ai pris le bateau ici, à côté de la cale, et je suis parti en direction de Falmouth. Un beau soir, à 9h. Quel bateau était-ce? Le Rouen des Arpeurs. Ah, un petit bateau? Non, enfin, un de nos plus grands bateaux ici à l'île. Et vous êtes arrivé où? À Falmouth. Après combien de temps de traversée? Parfois, après 24 heures, nous sommes arrivés au large des côtes, mais comme il faisait nuit, nous sommes restés en cap pendant toute la nuit. Et le lendemain matin, une vedette est venue nous arraisonner, quoi. Et on est rentré avec elle en remorque. Et vous êtes revenu depuis combien de temps ici? Ça fait 4 jours que je suis à la maison. Et vous êtes resté tout le temps en Angleterre? Enfin, j'étais en Angleterre, en Afrique, en Écosse, un peu partout. Et vous, monsieur, comment vous appelez-vous? Milliner Jean. Comment avez-vous pris le départ? J'ai pris le départ, je suis parti ici le 27 juillet 40. J'ai pris le bateau Maristella. Je suis parti quand tous mes amis sont partis. Et je me suis trouvé à Penzance après 24 heures de mer. Vous étiez seul sur le bateau? Non, on était à 35 à bord. 35. Et vous n'avez pas eu d'incident du tout en cours de route? Pas du tout, madame. Vous êtes arrivé tranquillement là-bas? Oui, tranquillement. Et vous, monsieur? Moi, je suis parti le 24 juin d'ici, à 9h30 du soir, avec la Velleda. Et comment s'est effectuée la traversée? Pas trop mal, il faisait beau temps. On a mis 19 heures pour aller à Penzance. Vous étiez combien? On était 52, monsieur. Et de Penzance? De Penzance, on nous a envoyé à Londres. Où vous êtes resté? Oui, je suis resté 3 ou 4 jours. Et de là, le 12 juillet, on est parti sur le Courbet à Portsmouth. Et vous êtes revenu depuis quand? Depuis il y a 4 mois, je suis à la maison. Vous avez repris la pêche? Oui, j'ai repris mon ancien métier. Vous pêchez quoi? Des homards, des langoustes, tout ce qui va dans les casiers. Ah, et vous, monsieur? Comment vous appelez-vous? Couillante, François. Bon, alors racontez-nous un peu votre odyssée. Je suis parti le 27 juin, à 8h du soir, accompagné de mon père, sur le bateau à mon oncle. Et nous avons eu une bonne traversée. Mais au milieu de la Manche, on a eu un petit accident. Enfin, presque. C'était d'un avion, il s'amenait, alors tout le monde a eu peur, quoi. On s'est cachés tous, mais c'était rien. C'était un Anglais. C'était un avion anglais. Oui. Là, on a bien rentré. Et on a été très, très bien reçus. Et qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Un petit peu de partout, quoi. Sur le Courbet. Voyager d'un bord à l'autre. Oui. Et vous êtes revenu aussi depuis peu de temps? Ça fait 2 jours, je suis en France. 2 jours seulement? Oui. Vous êtes juste arrivé et qu'est-ce que vous faites maintenant? Maintenant, j'attends la classe, quoi. Maintenant que les événements ont fait sortir les pêcheurs de leur retraite, ça leur semble très dur de ne plus quitter l'île. Mais, disent-ils, il y a les femmes qui nous attendent depuis 5 ans et qui ne veulent plus qu'on s'en aille. Alors, ils parlent tous un peu anglais. L'un d'eux m'a raconté l'étonnement du général de Gaulle qui, au premier jour de la résistance, vit arriver parmi une centaine d'hommes, 20 d'entre eux qui étaient tous de l'île de Saint. Ici, comme partout ailleurs, en Bretagne, on attend le général, on l'espère avec foi et avec conviction. Un pêcheur de l'île m'a dit, « On ne m'avait pas prévenu de votre visite. Quand j'ai vu tout le monde dehors, j'ai cru que c'était le général. Je me suis mise à pleurer. et j'ai sorti mon costume du dimanche. Nous avons été si touchés de l'émotion de cet homme que nous avons vraiment espéré à ce moment que le général de Gaulle pourrait un jour faire cet immense plaisir à tous ces Bretons qui ont mis leur confiance et leur vie dans les mains de celui qu'ils considèrent comme leur seul chef, qu'ils vénèrent et qu'ils chantent. Général de Gaulle, nous compagnons, nous servons librement, nous pourrons reconquérir la Gaule et l'Empire également, Notre région, nous, c'est notre mère. S'il le faut, nous mourrons, et chacun dans les poteaux sans pierre. La Légion, et sans trahir des défaites sans défaites. Un armistice avait la surprise confuse. La France était envahie par tous ses prêtres, et nous savons comment traiter les vaincus, ne voulant pas courber la tête. En Angleterre, nous sommes venus, un vrai chef est à notre tête. Il nous mènera notre but, reconquérir Panama, bien sûr les Bénénis, des Alpes jusqu'au Rhin, libérer le pays, c'est la Légion du général de Gaulle. Ce reportage de Lise Elina a été effectué le 1er juillet 1945 pour le Poste parisien. Rappelons que l'île de Sein sera faite compagnon de la Libération un an plus tard, fin août 1946, lors de la visite du général de Gaulle. Vous pourrez réécouter ce reportage en ligne ou le télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».